Enfin, voilà. Bonjour. Bonjour, c'est Garcia Mort. Je veux faire un tour de cartes. Je veux faire un tour de cartes. Est-ce que tu aimes la magie? Tu choisis une carte. Tu choisis une carte? Voilà, choisis une carte. Non, pas celle-là. Pas celle-là, s'il te plaît. Ah, c'est toute mon enfance. Eh bien, chers amis, nous avons encore une mise à jour d'Internet Explorer 9 pour Windows Vista merde. Si nous faisons l'historique des mises à jour, c'est pas compliqué, des mises à jour, il y en a tous les jours. Ben, normal, une mise à jour, tous les jours. Windows me casse. Oh là, sans déconner. Oh! Windows Defender. Sécurité cumulative. J'arrive même pas à le dire. Sécurité cumulative pour les bits. Pour les bits d'arrêt active X. Mise à jour de sécurité pour Vista. Outil de suppression de logiciels malveillants. Mise à jour de Microsoft Net Framework. Je ne sais pas ce que c'est. Mise à jour Microsoft Silverlight. Silverlight. Defender. Encore une suppression de logiciels malveillants. Au mois d'août. Votre logiciel Windows Vista est une merde. Framework? Ah pardon. Merci Garcia Mort. C'est. Ça gère l'image de ton ordi. Mais il n'a pas une très bonne image, mon ordi. Et voilà latence que j'ai là. Quoi? Oh. Ah voilà latence. Mesdames et messieurs, nous remercions Garcimore pour toutes ces explications. Bon, week-end à Rome. QT. Tu choisis. Je te fais confiance, Garcimore. My name is Garcimore.